بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. خديجة كومنتي بار أبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. 14e leçon. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. طيب. فقال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث 16 وعن ابن عباس يعني ما زلنا في باب الآنية. Toujours dans le livre ou le chapitre des récipients. Fi kitab al-tahar, dans le livre de la purification. An ibn Abbas radiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha dubira al-ihabu faqad tahur. Akhrajahu Muslim. Wa 'inda al-arba'ati ayyuma ihabin dubir. Wa al-sabi'ashar 'an Salamata ابن محبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دبار جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. والثامن عشر عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. Donc le premier c'est le hadith de Ibn Abbas que le prophète messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que si les peaux sont tannées alors elles seront purifiées. Tannées c'est-à-dire sont transformées en cuir. Et ihab c'est la peau. Lakin c'est un terme qu'on emploie avant qu'elle ne soit justement tannée. On appelle ihab. Mais une fois qu'elle est tannée, ça ne s'appelle plus Ihab, ça s'appelle Jild. Voilà. Akhraj au Muslim. Et chez les Arba'a, une riwaya qui dit toute peau qui a été tannée, c'est-à-dire, est certes pure. Alors, c'est juste le début du hadith. Ayyu ma Ihabin dubir, et après la, du hadith, c'est comme Muslim. Faqad tahur. Le 17e c'est son An Salama ibn Muhabbiq radiallahu anhu que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit le tannage des peaux des bêtes mortes, c'est-à-dire qui n'ont pas été égorgées pour le nom d'Allah, c'est leur purification. Et le fait de tanner les peaux des cadavres, des bêtes mortes, cela est leur purification. Et le 18e hadith, que selon Maymouna, la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé par un groupe de sahaba qui tirait, traînait une brebis. Et il dit, et si vous preniez sa peau, et il dit, mais c'est, elle est morte, c'est-à-dire elle est morte sans avoir été égorgée. Il dit, c'est-à-dire sa peau est purifiée par l'eau ou elle karaz. Karaz c'est l'acacia. C'est une plante qu'on se sert pour faire du cuir. L'acacia ? Non. Le hadith était rapporté par Abu Daoud Nasa'i. Et ce hadith, lui, cette version est da'if. Et les deux premiers sont authentiques. Le premier, Muslim. Et le deuxième, qui est le hadith de Salama, il est authentique par ses shawahid. Par d'autres hadiths qui confirment son sens. Si c'est celui-là, celui de Salama, ibn Muhabbiq. Celui-là est authentique, Sahih bi Shawahidihi. C'est le troisième qu'on a cité aujourd'hui, c'est-à-dire le 18e, qui lui est faible. Taïeb. Donc il dit. Mas'ala. D'abord, quelle est la munasaba, l'intérêt de citer ce sujet dans ce chapitre à ce moment. C'est qu'à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le récipient était constitué principalement de quoi ? De cuir. Le récipient était principalement fait à base de cuir, de peau d'animaux. D'accord ? Donc on est toujours dans le même de récipient. Donc l'animal, sa peau, on connaît le jument pour savoir l'utilisation qu'on va en avoir après. C'est pas comme maintenant, je donne des pompes plastiques, des trucs en bois, tout ça. Avant, c'était à base de peau. Mais le jugement reste toujours aujourd'hui parce que on s'en revêtit, par exemple. Donc là, le jugement, c'est pour tout ce qui est purification, mais également tout ce qui va avec. Le cuir, en soi. La peau des animaux. D'accord ? La peau des animaux. Donc, il dit... Le tannage des peaux des animaux morts. Quand on dit mort, on veut dire quoi par là ? Meïta, la chair morte, ce qui n'a pas été égorgé au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui était mort sans égorgement ou qui aurait été égorgé sans que le nom d'Allah ne soit cité dessus. Donc il dit que les savants ont divergé sur ce point, sur cette parole. La première parole, que le tannage rend pur toutes les peaux des animaux, sauf le chien et le porc, et tout ce qui découle du porc ou du chien. Par exemple, ce qui découle du porc, le sanglier, le phacochère, ces animaux-là par exemple, les cochons sauvages comme on dit, et qu'il est permis d'utiliser ces peaux pour des choses liquides ou solides. Ces peaux peuvent être des conteneurs pour des choses liquides ou solides. D'accord ? Et qu'eux, ils ont sorti de cela le khinzil, le porc, par la porte d'Allah, où il dit « Fainau rishsun ». Et il a fait un qiyas pour le chien, par rapport au porc. Ça, c'est le premier qawl. Que c'est, ça purifie toutes les peaux, sauf le chien et le porc. Deuxième qawl. Qu'il n'y a rien qui purifie les peaux des animaux morts. Et ils ont pris un hadith, leur preuve c'est un hadith, selon Abdullah ibn Uqaym, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tantafi'u min al-maitati ihab wa la asab » qu'il n'y a rien par lequel on peut tirer profit d'un animal mort. Voyez ? Ni peau, ni rien du tout. Troisième call. Que cela purifie les animaux qui nous sont licites à la consommation. Et pas autres. Quatrième call. Qu'elle purifie tous les animaux, ça ressemble au premier call, sauf le porc, seulement. Mais pas le chien. Le chien, lui, il purifie aussi. Sa peau est purifiée, mais pas le porc. Eux, ils ont fait exception, quoi? Au porc, c'est tout. Cinquième call. Qu'elle purifie toutes les peaux d'animal, sauf qu'elle purifie son dessus et non son intérieur. Donc on ne peut pas s'en servir comme conteneur pour les liquides. Car l'intérieur reste impur. Sixième call, deuxième parole, qu'elle purifie tout chien, porc, intérieur, extérieur. Dans l'absolu, ça purifie tout. Septième call et dernier call. Qu'on peut se servir des peaux des animaux morts, même s'ils n'ont pas été tannés. Elles n'ont pas été tannées. Et qu'elles sont utilisables pour les liquides et les solides. D'accord ? Donc Shir Ibn Hizam, lui, il voit, avec les preuves à l'appui dans ce chapitre, c'est que la bonne parole, c'est la sixième. C'est-à-dire que cela purifie toutes les peaux d'animaux, chiens et porcs y compris. Il y a un grand khilaf par rapport aux porcs et aux chiens. Mais le vol des hadiths, il dit quoi par exemple? Quand il dit Ayyuma ihabin dubir, toute peau. Ayyuma ihabin dubir, faqat tahur. Toute peau qui était tannée est pure. Toute. Donc là, on a une preuve qui, on a un dalil am. Et on n'a pas eu de tarsis, des choses qui spécifient que le porc et le chien sortent de ce jugement par rapport à leur peau. On n'en a pas. Le reste, c'est des déductions ou des raisonnements analogiques. Quant au hadith du deuxième call, qui est que quand on a dit ne vous servez pas, ne tirez pas profit des animaux morts, ni les poux ni un autre, ce hadith il est faible. Le hadith a été affaibli. C'est le deuxième call. Parce que à la base ils avaient un hadith avec eux. Mais ce hadith a été qualifié comme faible. Mas'ala bimaza yudbaru jildu al-maitati. Par quoi on tanne la peau de l'animal mort? Donc Nawawi rapporte dans son charte de musulman que cela peut être fait par toute chose qui puisse sécher la peau, qui amène à ce que la peau sèche et devienne du cuir, et qui la rende étanche et qui la nettoie. Qu'il s'agisse d'acacia, qui est la chose la plus connue, ou même de peau de grenade, drumman. Il a mis d'autres mots en arabe, mais j'ai pas trouvé c'était quoi l'équivalent. Chercher le tarjama, traduction, j'ai pas trouvé. Des plantes ou d'autres trucs, je les ai pas trouvés. En tout cas, ce n'est pas limité forcément au karaz, ce qu'on appelle l'acacia. Tout ce qui amène au même résultat, voyez, alhamdoulilah, c'est accepté. Car le but, c'est de tanner la peau, de la purifier. Ensuite, il dit Mas'ala, hel yutahhar el jildu bi mujarrad et dibar dun ruslihi bilma. Est-ce que la peau est purifiée en étant seulement simplement tannée sans avoir été lavée au préalable par de l'eau? Donc, de la Mas'ala, dans le sujet, il y a deux paroles. Et la parole, une qui stipule que l'eau est obligatoire, une qui stipule que l'eau n'est pas obligatoire. Et la parole juste, c'est laquelle? La deuxième, car on n'a pas de dalil qui prouve que l'eau, c'est obligatoirement. Que tu dois obligatoirement employer de l'eau, utiliser de l'eau pour tanner la peau. Ou un hadith yutahhiruha al-ma wa al-karaz, que la peau est purifiée par l'eau et l'acacia. On a dit quoi ce hadith? Il est da'if, c'est de Maymouna. Donc il n'y a pas d'ishtirat, il n'y a rien qui est conditionné. Cependant, si la peau est lavée pour bien la nettoyer ou quoi, il n'y a pas de mal en cela, c'est permis. Mafimania. Ensuite, il dit Mas'ala, Bey, Jild, El Meitati. Le fait de vendre le cuir, la peau de l'animal mort. Donc, si la peau a été rendue, bien entendu, pure et propre, après qu'elle ait été tannée, alors tu peux faire ce que tu veux avec. Tu peux la vendre, tu peux l'offrir. Tu peux te servir comme récipient, tu peux t'en revêtir. Non, car la peau est devenue propre. Par contre, le fait de la vendre avant le tannage, ça non. On parle de ce qui a été tanné. Mais avant le tannage, non. Car pourquoi? C'est najasa. Najasa. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam Jabir, inna Allah harrama bi'a al-mayta wa al-khinzil wa al-asnam. Que Allah interdit de vendre la peau des animaux morts, du porc et des idoles. Donc tu peux les vendre. Et la peau au moment avant qu'elle soit tannée, c'est de la maïta. C'est de la maïta. C'est de du cadavre, on va dire. Et donc il y a le hadith, il y a l'ijmar. Chokani rapporte l'ijmar que tu ne peux pas vendre de la maïta. Et qui vend de la maïta à longueur de journée? Qui vend de la chair morte? Les koufars, les mécréants. Ils vendent que ça. Et ils ne mangent que ça quasiment. D'abord, ces gens sont invités chez un musulman, ou qu'ils ont pris une promotion de halal, il n'a pas fait attention, il l'a pris. Sinon, ils ne mangent que ça, et ils ne vendent que ça. Et qu'ils faisaient le porc avec. Après, il dit Mas'ala akl jild al-mayta. Le fait de manger la peau de l'animal mort. Il rapporte de Ibn Qudama dans le Mughni qu'il dit qu'il n'est pas permis de la manger après qu'elle ait été tannée, et encore moins avant, bien entendu. Avant, c'est la maïta. Et même quand elle a été tannée, il n'est pas permis de la manger. Car même si elle est pure, elle est prise d'un animal qui n'est à la base interdit à la consommation. D'accord ? Et elle s'appelle toujours Meïta. Bien qu'elle soit pure, ça reste toujours de la Meïta. Car là, sa peau en fait partie. Et hier, il lève même cette masse à là, certains voient que tu peux la manger. Comme le mazhab Shafi'i. Du moins, c'est l'une des versions dans leur mazhab. Car ils voient qu'il y a un hadith. Il a dit quoi ? Diber el Adim Zakatu. Que le fait d'avoir tanné une peau, c'est comme si tu avais égorgé l'animal en fait. Tu l'as purifié. Donc cela amène à un sens de purification dans la peau. Donc cela a été rendu autorisé comme le fait d'une nourriture qui a été rendue égorgée. Qui a été égorgée. Et le chien voit que la parole prépondérante, c'est celle de Ibn Qudama. Par contre, il ne dit pas le jugement sur le hadith. En tout cas, même s'il dit Zakatu, ils l'ont mis au sens de même stade que l'égorgement, et ce n'est pas le cas. Donc ça reste toujours de Maïta. Après, il parle Mas'ala al-intifa bi juloud al-siba'a. Maintenant, tirer profit des peaux des fauves. Des fauves, des prédateurs. Il a dit que le sens sibar en arabe est plus large qu'en français. Nous, on généralement, les fauves, par exemple, les reptiles ne rentrent pas dedans. On ne dit pas simplement c'est un fauve. En arabe, sibar, c'est tout ce qui est les prédateurs, qui, on l'a dit, qui attaquent leur proie avec force. Et le serpent rentre dedans. Donc ne pas s'arrêter au sens littéraire français. En arabe, c'est plus large. Sibar, c'est plus large. Souvent, les fauves, chez nous, c'est les félins. Genre lion, tigre, panthère, peut-être les ours. Mais en arabe, c'est plus large. Allah alam. Donc, il a été rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit le fait de prendre leur peau comme tapisserie et de les prendre pour monter dessus, comme une selle, ce genre de choses, sur les montures. Un hadith qui était apporté par Abu Daoud, Tirmidhi et autres. Un hadith de qui ? D'Usama ibn Umayr, radiallahu anhu. Et c'est un hadith qui était rapporté, mursel, mais le sens a été accepté. Et un autre hadith qui est venu de Al-Miqdam et de Muawiyah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se revêtir de peau de fauve, ni de s'en servir comme sel. Et sa chaîne de narration, elle est faible. Donc il dit, le shir, qu'on en tire profit des hadiths précédents, que si les peaux également des fauves ont été tannées, d'accord, qu'il n'est pas permis de s'en servir comme tapisserie, ni comme sel, ainsi de suite, les hadiths qui le stipulaient maintenant. Comme vient de dire à l'instant là, également il y a un hadith qui est venu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, na'an rukub al-numur, akhrajou Ahmed, an abi rihana. Que le prophète a interdit de monter sur les tigres, de les prendre comme monture. Et que le hadith, d'accord, il a des shawahid. Il a des hadiths qui vont dans son sens. Le hadith en lui-même contient un inconnu, Majul al-Hal. Quoi qu'il en soit, il a des shawahid. Et le Majul al-Hal, yasra al-shawahid, comme on l'a dit. C'est Majul al-Ain qui ne peut pas lui. Donc le hadith, Inch'Allah, il est pris en compte. Donc ces hadiths qu'on vient de citer démontrent qu'il n'est pas permis de prendre les peaux d'animaux de fauves pour en faire des tapisseries ou comme celles ce que l'on met sur les montures. Attendez, il y a un rapport de parole de Tahawi qu'il dit, après qu'il ait cité le hadith, Ayyuma ihabin dubir kat tahur, toute peau qui a été tannée est devenue pure. Lui, Tahawi, dit que les peaux de fauves rentrent dedans. Qui n'est permis à personne de sortir une chose que le professeur Salam a généralisée. Et ce n'est avec une preuve. Hein? Ça va bien, Inch'Allah. Donc, il voit, il dit que l'interdiction, c'est de quoi? C'est-à-dire comme tapisserie et comme sel. Cela ne veut pas dire qu'elles ne sont pas pures et qu'on ne peut pas en faire autre chose avec. D'accord. Le tarsis, il me dit de quoi dans le hadith qu'on a lu auparavant. Naam. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont impurs? Non. Ça veut dire que même si c'est pur, on ne t'en sert pas pour tel et tel usage. comme par exemple l'or et l'argent, on ne peut s'en servir comme récipient pour boire. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas s'en servir pour autre chose? Non. Mais lui, il vient de faire comprendre ça. Qu'en fait, cette peau-là, elle est pure. Ayyuma ihabi dubia. Fakot tahur. Toute peau qui est étanée est pure. Donc il dit, là on a un hukm général, âme. Maintenant les hadiths sont venus pour interdire des utilisations spécifiques. Pas tout. Et il n'a pas dit que c'est impur non plus. Et que la cause, c'est que cela est parmi les coutumes des non-arabes. Des ajim, ceux qui font ça. Donc le nahi de tashabbuh bihim. En fait, l'interdiction de leur ressembler. Donc le shir, Ibn Hizam, dit que tahawi indique là, c'est l'interdiction, c'est de le prendre comme tapisserie, de monter dessus. Car cela fait partie des actes des ajim. Mais cela ne comprend pas le fait de s'en revêtir ou autre. Car le hadith qui rapporte que tu ne peux pas t'en revêtir, il est da'if. Le hadith de Muawiyah. C'est lequel? Il est où? Non, de Muawiyah dans les hadiths des bêtes de faux, des peaux de pauvres. Pas dans ceux du chapitre. Aïwa. Muawiyah, un Nabi Salam, un Awunaha, un Libs, Jurud, Siba' wa Rukub Aleha. Qu'il interdit de s'en revêtir, d'accord, et de monter dessus. Et ce hadith-là est da'if. Donc le fait d'interdire le fait de s'en revêtir n'a rien qu'il affirme, n'a pas de preuve authentique à l'appui. Et certains voient que la cause de l'interdiction, c'est que le fait de monter dessus, sur un animal, cela amène à l'orgueil et à devenir hautain. Et certains salafs l'ont autorisé. D'accord. Mais le parole authentique, il se peut que la preuve n'en soit pas parvenue. Alors, la parole authentique, c'est quoi? Qu'il n'est pas permis ni de monter dessus, ni de prendre comme tapisserie. Quand on dit tapisserie, c'est les murs ou le sol. Pas prendre comme tapis, ou ne pas prendre comme couverture, ou ce genre de choses. Et les ftiroches, comme il y a quoi. Non. Taïf, ça n'a qu'il faut aller, Inch'Allah, on occupe le bébé raden. On a autant de choses. Aïm, faïla, on a, ou alhamdulillah, rabbil alamin.